bruits de la station. Spécial animaux. Je suis végétarien, amour avec sursis, j'ai 30 millions d'amis, amour sincère, câlin, câlin, je suis végétarien, amour avec sursis, j'ai 30 millions d'amis, câlin, câlin, interdit, je suis végétarien, amour avec sursis, famille, j'ai 30 millions d'amis. Fantasme de phase. Petit, par ici. Amour, accord. Amour. Qu'y a-t-il de plus pur que l'odeur d'une fourrure? Sentir dans ses doigts rectum de chinchilla. Mais vouloir faire le cul à une tortue, finir en prison par passion. Oh. Oh. Qu'y a-t-il de plus subtil que la langue d'un reptile? Partout elle s'insère, poésie du sphincter. Depuis quand savoir y faire avec les mammifères est-il interdit, mon whistitut? Spécial animal. Oh oui, fruit de la station. On voulait vous préparer cette petite surprise depuis très longtemps. Eh oui. Mais fruit de la station spécial animaux ce Parce soir. Parce qu'on en parle sans arrêt des animaux. C'est vrai, on adore ça. C'est l'émission ça. Numéro combien, Jean-Pierre? C'est l'émission numéro 13. Bienvenue à tous pour cette émission numéro 13. Moi c'est Richie et toi c'est Jean-Bierre. Moi c'est Richie et vous c'est Jean-Bierre. Vous c'est Jean-Bierre et moi c'est un animal. Parce que l'humain n'est qu'un animal, Jean-Bierre. Ok, ok, bon rythme. Et voilà, donc Jean-Pierre Bernard, Richie Booz, là pour vous servir. L'émission 13, ça porte malheur ou ça porte bonheur? Non, ça porte bonheur. Faut savoir comment le prendre, mais oui, je pense que ça Un porte peu bonheur. Comme votre mère. Ah, allez, savoir comment la prendre. Attention, les gens vont se douter de quelque chose en un moment. Et sans transition, c'est ouais. Une émission spéciale animaux. Oui, alors au cas où vous ne l'aviez pas deviné, on va faire une émission en effet spécialement sur les animaux. Voilà. Et les animaux. D'ailleurs, ouais. Vous aimez les animaux? J'aime bien ça, ouais. Vous aviez des animaux quand vous étiez enfant? Oh non, c'est horrible. Vous faites exprès ou pas? De quoi? Je vous ai jamais raconté cette anecdote-là. Bon, arrêtez, on dirait un truc préparé à De Francis. Ouais, Soul. C'est vrai, un petit peu, ça fait ça. Mais non, oui, j'avais des animaux, ouais. J'ai eu plusieurs animaux. J'ai eu deux chevals. Ça c'est vrai. J'ai de chacal, de festival. J'ai eu deux chiens et j'ai eu. Mais c'est ça l'anecdote incroyable. J'ai eu deux lapins. Non, j'ai eu un octodon. Ah, stylé. Ouais, j'ai eu un octodon. J'adorais ça. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est les octodons, c'est un peu une tête et un corps d'écureuil monté sur une queue de rat, quoi. Enfin, ou plutôt une queue de rat montée sur une tête et un corps d'écureuil. D'accord. Et non, l'anecdote horrible, ça, je pensais déjà vous en avoir parlé en off, je mon cher Richie. Pas, non, ça ne me dit c'est rien. Que du coup, je descendais avec moi parce qu'il était en haut, il était dans la salle de bain avec sa petite cage, etc. Et je descendais régulièrement avec moi quand on regardait un film avec mes parents. J'avais à l'époque 7-8 ans à peu près. Et normalement, je le mettais en bas des escaliers, il remontait les escaliers. Mmh. Et puis moi, je l'attendais en haut du couloir pour justement l'attendre, le récupérer. Bref, j'attendais en haut du couloir, je le récupérais, je le mettais dans sa cage et bonne nuit, l'Octodon, quoi, qui s'appelait à l'époque Sablero, comme un célèbre Pokémon. Sauf qu'un soir, tragique, j'ai fait ça. Je l'ai mis au pied de l'escalier. Il a commencé à monter ses petites marches. Et moi, j'ai monté les marches également. J'ai pas allumé la lumière et je suis allé m'asseoir en haut de l'escalier pour pas justement qu'il parte dans le couloir. Et sauf que pile poil à ce moment-là, il est passé sous moi et je me suis assis dessus. Vous rigolez pas, c'est horrible. Et je suis assis dessus, j'ai encore le bruit des os qui craquent dans ma tête et je l'ai tué net. Et j'ai crié non, j'ai tué Sablero. Et mes parents sont montés 4 à 4, ont monté 4 à 4 les escaliers. Mais pourquoi vous avez un gros cul hein? Mais non, mais même pas, c'est juste que c'est un animal relativement petit. Hein. Et ils m'ont pris, voilà, et je l'avais tué. On annule cette émission. Net sur le coup, quoi. Bah non, mais vous me demandez une anecdote, moi je vous en fournis une, quoi. Mais voilà, c'est horrible, franchement, c'est un des pires moments de ma vie, je crois. Un des pires moments de mon enfance, en tout cas, ça c'est sûr. Bon. Voilà. Non mais après voilà, je voulais pas plomber l'ambiance. Et vous? Alors on va rebondir maintenant. Des animaux? Des animaux, oui, j'ai eu des chiens. Ok, des pourquoi des chiens? Vous en avez eu? Vous les achetiez par non, 10 j'avais ou... des chiens. J'avais Yolande Moreau, ah, François Yolande Morel. C'est vraiment les chiens au complet. On les avait achetés. Je l'ai acheté chez nous, ils faisaient des sketchs. On a acheté un rideau de fer et puis ils faisaient leur sketch. Ils faisaient leur sketch à côté, quoi. Très sympa. Très bien. Là, j'avais eu un rat aussi. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est peu commun ça. Alors, en général, les gens trouvent ça sale. Alors, déjà, j'avais pas le rat en mode au lycée. Je suis un peu. Ouais, est-ce que vous le mettiez dans votre djembé? Non, mais justement, j'avais 8 ans. D'accord. J'avais mon rat. D'accord. Et je l'aimais beaucoup. J'avais appelé Catherine là. Et voilà, c'était drôle, quoi. Catherine là, moi je suis assez fan, ok. Et très bien. Voilà, et en fait il est mort en voiture, on a été à Bordeaux avec mes parents. Il a eu un accident, il a pris à caisse bourrée ce coup. Non, il est mort dans sa cage pendant la route, il a pas supporté. Oh merde, ouais. Et quoi, c'était la première fois qu'il prenait la... Bah apparemment, et du coup bah, on l'a mis dans la poubelle de l'hôtel. Oh. Et on a fait croire qu'elle y était déjà, et du coup on a eu l'hôtel gratuit, quoi. Merci Catherine là. C'est Catherine là. Merci Catherine là. Et non, sinon j'ai eu des chiens, j'ai eu des lapins, d'accord, j'ai eu des hamsters. Ah ouais, quand même. Maintenant, depuis que je suis plus grand, j'ai arrêté d'avoir des animaux. Ouais, c'est triste un petit peu. Quand on aime les animaux, on n'en a pas normalement. C'est vrai. Sauf les chiens, je pense. Les chiens, ça peut aller. Je parle des petits animaux de compagnie. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça fait un peu trop jouer, quoi. Et donc, souvent les gens me disent, oh, t'adores les animaux, t'as été au zoo. Je dis, non, je vais pas au zoo. Non, je déteste ça. C'est con. T'as été au cirque, encore pire. Bah oui, c'est clair. Au cirque. C'est trop triste, ouais. Et donc des animaux j'en ai plus, mais quand j'aurai un jardin j'aimerais en effet avoir un chien à nouveau. Ouais, moi aussi, ouais. Ah ouais, moi c'est ma grosse envie. Et j'ai failli craquer dernièrement. Pour avoir un petit un chien, enfin dernièrement, il y a 6-7 mois là, j'ai failli vraiment craquer. Alors je ne disais pas prendre un gros chien, parce que vu qu'on habite dans des endroits assez relativement restreints. Bah, on n'habite pas ensemble pour non, les auditeurs. Non, on habite pas ensemble, bien sûr que non, mais je veux dire on habite ouais, dans une chose similaire. Et voilà, et je me suis dit non, ça serait trop contraignant. Mais par contre, c'est une de mes grandes envies, c'est d'avoir un chien à défaut d'avoir une copine. Ouais. Non, c'est très bien. D'accord, donc voilà. Bon, tout ça pour commencer sur l'émission. La chronique, l'émission animalière. Ouais. Moi, je suis assez chaud pour commencer. Allez-y, mon cher, okay. Je vous écoute. Alors, je vais vous parler d'un animal qui est très spécial. Mmh. Alors, connaissant notre culture générale. Culture G. Culture G hors norme, j'ai envie de dire. Ça se trouve, vous le connaissez. Ça s'appelle le tardigrade. Oui. Non, c'est vrai? Oui. Ah, mais c'est insupportable. Non, mais c'est vrai, je le connais bien, surtout, parce que figurez-vous que... Non, allez-y. Ah, vous connaissez pas? Non. Ah, putain, j'ai... Coup de pression à chaque fois. Quand allez-y, vous avez très bien, avec deux grosses auréoles sur le fond. Bah, je disais bien, vous connaissiez Monsieur Roux la dernière fois, donc je me suis dit... Oui, bah, ouais. Je crois qu'il est tardigrade le samedi. Il est tardigrade, exactement. Alors, le tardigrade, c'est un animal extrêmement intéressant, parce qu'il est proche d'être invulnérable, en fait. Mais vraiment. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Alors en fait, il est également surnommé l'ourson d'eau à cause de sa démarche un petit peu pataude. Pataude. Le tardigrade est un petit animal, vraiment un petit truc, hein, vraiment c'est pas grand, qui est tellement singulier qu'il forme une classe zoologique à part, proche des anthropodes en fait. Ouais, voilà. Hyper décontenancant ce que fini. Vous faites. Non, ouais, voilà, trois lignes, c'est bon. C'était ma chronique. Mais ça ressemble à quoi en gros? C'est grand comme bah, quoi? Je comme mettrai une photo là, c'est difficile de vous expliquer à quoi ça ressemble. C'est un espèce de truc un petit peu. Ah, ça fait, je sais pas, moi je dirais 3-4 cm à peu près. Oui, peut-être même un peu plus petit que ça, ouais. Voilà, non, en fait j'avais noté, mesurant un peu moins d'un millimètre. Ah oui, d'accord, c'est vraiment petit. Ouais, non, c'est pas vraiment de l'animal. C'est immortel. On est plus proche de l'organisme que de l'animal. C'est immortel? Ouais, c'est quasiment immortel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme l'a chanté Morane. Immortel. Et Lara Fabian. Bob Moran. Contre tout Chaco. Voilà. Et on va tout inverser pendant cette émission. Et le pire. En fait, il est doté d'une capacité de résistance. Mélanie. Il est doté, Mélanie doté. Oui. Je connais pas. Alors, J'arrive à repérer vos jeux de mots sans connaître. Dans ce, pas le cinéma ou quoi? Mais non, mais vous torchez avec la Bible encore, Jean-Pierre. Pour couverture. Merci. C'était le cadeau qu'il m'a offert. Ah, il avait pris le cadeau avec lui de Noël d'il y a 4 mois maintenant. Désolé, j'aimerais bien. Oh là là. Mais vous êtes emporté comme. Oh là là. Comme une portée de chaton. Exactement, vous êtes emporté de chaton, j'ai envie de dire. Oui, on continue, j'en viens. Bon, très bien, on continue. Ah, il fait mouvoir le mobilier en plus. C'est pas avec mes mains. Bref, je continue. Il est doté. Mélanie dotée. C'est pas que j'aime pas le cinéma. C'est que je déteste maintenant aller au cinéma. Depuis quelques temps, j'ai une phobie du cinéma. Parce que vous aimez pas les gens, voilà. Parce que j'aime les gens. J'aime pas les gens qui allument leur téléphone portable. J'aime pas les gens qui causent entre eux. J'aime pas les gens qui respectent pas l'œuvre qu'ils sont en train de regarder. Du coup, je n'y vais plus. Vous savez que voilà. Le pire, les gens sont insupportables au cinéma. C'est-à-dire? Le jour, il y a quelqu'un qui m'a engueulé. Pourquoi? Parce que j'allumais une clope et que je téléphonais. Les gens vous êtes tombé sur un nazi. Les gens n'ont aucun respect. Quoi, au cinéma. Incroyable. Ah, les gens sont insupportables. Moi, j'y vais plus. Hein. Non, mais l'autre fois, moi, j'arrive. J'étais persuadé que c'était un cinéma nudiste. Je me suis rembroué. Bah ouais. Vraiment. Et voilà, mais vraiment jeté dedans. Et pourtant, UGC, c'est utérus grand cru. Quand on y va de nuit, quoi. Normalement, c'est normal. Oui, mais j'étais persuadé de ça. Je crois que c'était urètre, moi. Mais, mais vous avez raison, oui, en effet. Mais voilà. Et enfin, bref, c'est petite parenthèse. Okay. Petite parenthèse, petite à. Petit. Là, ça fait son nid, on reprend sur les animaux. Voilà. Donc, mesurant un peu moins d'un millimètre en moyenne. Comme votre bite. Le tardigrade. Non, elle est plus petite. Dotée comme ma bite, d'une capacité de résistance telle qu'elle est sans commune mesure dans le règne animal. Non, mais c'est vous dire, à l'exception de quelques bactéries, mais vraiment, voilà, c'est marginal. En effet, donc le tardigrade s'est développé un peu partout sur la planète, des plus hauts sommets jusqu'au fond des océans. Donc vous imaginez? Ah oui. Le fond des océans. Alors on dit qu'on a plus parcouru de surface sur la Lune que dans le fond des océans. Ah bah c'est oui. Parce que c'est un milieu très très hostile à cause de la pression, à cause de tout ça. Du coup. Le cadeau. Vous savez qu'on a été sur la Lune? Qu'on était quoi? On a été sur la Lune. De? On y a été sur la Lune. Qui ça? Les humains. Ah oui. Oui, bah c'est pour ça d'ailleurs. Vous voyez, c'est le mec qui est anti-complot en fait. Il lance des infos. Que tout le monde sait déjà. Moi je suis sûr. Non, en vrai, on y a été. Je pense qu'on y a vraiment été. Vous saviez que le 11 septembre. C'est vraiment des avions qui ont pété les immeubles. Vraiment des avions qui ont pété. Je suis sûr. Non, j'ai vu un documentaire là-dessus sur France 2. C'était avec ça. Avec la pluge. Non, par contre, il y a une très bonne blague sur Stanley Kubrick. Stanley. On raconte que c'est lui qui a fait le documentaire. De. Sur le faux. La fausse arrivée sur la Lune, etc. Ah oui, avec le drapeau. Et en fait, on dit qu'on lui a demandé de réaliser ce documentaire. D'accord. Pour faire croire qu'ils avaient été sur la Lune, mais qu'il est tellement perfectionniste qu'en fait, il les a obligés à aller vraiment sur la Lune. Qu'on aime l'humour, qu'on aime le cinéma. Voilà. Ah, j'ai entendu un truc, encore une fois, une petite aparté avant de continuer sur le tardigrade. Arcade. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait « Non, mais il y a forcément des extraterrestres. » Oui. Il y a forcément des extraterrestres. Et c'est forcément, ils sont crashés. Il y a une soucoupe qui s'est crashée aux États-Unis. Et vous savez pourquoi? Comment ça se fait autrement que les États-Unis, ce serait le pays le plus puissant du monde? Bah, non, je sais pas. Bah, non, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est juste qu'en fait, la personne était convaincue que les États-Unis c'était le pays le plus puissant du monde parce qu'une soucoupe s'était crachée dans le pays et que les Américains avaient en fait volé la technologie extraterrestre. Alors, t'as plutôt envie de lui dire que c'est parce que, je sais pas, c'est un pays immense. Vous êtes un enfant terrible, mon petit Richie Bouzou. C'est quand même pas terrible, votre. Non, c'est vrai. En plus, c'est une sociale animaux, donc. Et vous arrêtez pas de dévier. Bon, alors, je continue. Tardigrade. Tardigrade s'est développé, donc je le disais, partout, donc dans les montagnes, dans les océans. C'est incroyable. Dans des fonds sans fond. Dans des fonds océaniques, quoi. Ces incroyables facultés d'adaptation lui valent d'appartenir au club fermé des polyextrémophiles. Ah, c'est fou. Ça, c'est pas rien. C'est-à-dire les organismes capables de vivre dans des conditions extrêmes multiples. C'est-à-dire très froid, très chaud, etc. Il est capable de résister à des radiations de 5000 GA. Ouf, ah ouais, quand même. Soit. Alors attendez, 1100 fois plus que le corps humain ne peut en supporter l'une. Ah oui, non, c'est beaucoup. 1100 fois plus, ah non, pas une, pas deux, non, c'est pas beaucoup. Trois, pas quatre, non, c'est beaucoup. Pas cinq, c'est beaucoup. Pas six, c'est pas beaucoup. Sept, C'est beaucoup. 1100 fois plus. C'est quand même pas rien. Vous avez pas tout fait. Non, je ferai un épisode spécial là-dessus. Mais le véritable super pouvoir, entre guillemets, du tardigrade, s'appelle la cryptobiose. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la cryptobiose? C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ils arrivent à synthétiser la kryptonite de Superman. Entre les rôles dans le micro et les blagues sur ma mère. C'est vrai, je préfère roter dans votre mère. Hein, je... À faire des blagues dans le micro et roter dans votre mère. Un peu d'humour. On aime la Belgique, on aime la France. Vous aimez les tartigrades, vous aimez les tartines, vous aimez les grades, vous aimez l'armée. J'en viens vous en parler. Les tartigrades. Alors, qu'est-ce que c'est la cryptobiose? C'est en fait dans un état. C'est dans cet état d'arrêt métabolique. comme disent les gens qui aiment un petit peu l'humour. L'humour américain, on parle des USA. Oui, ben là, on parle des USA. On parle des States, on parle de tout ça. En fait, dans cet état d'arrêt métabolique où il arrive à abaisser son activité vitale. Ralentir, abaisser. Bon, à 0,01% de la normale. C'est-à-dire qu'il est quasiment mort en fait. Un battement de cœur tous les 100 ans quoi. Je sais pas comment. Ouais, ça doit être à peu près ça. Vous venez de faire un calcul là sur votre Casio 35. Oui. Voilà, bah, ça doit être ça alors. Donc 0,01% à la normale. Donc le tardigrade remplace l'eau. Alors ça c'est ouf. Il remplace l'eau en fait de son organisme par des sucres synthétiques et il peut alors résister temporairement à des températures allant de moins 272 degrés à 150 degrés. Ah oui, donc ça devient très costaud. Hein. Ça devient costaud, ouais. Ouais, ouais. Alors, il peut également, parce qu'il n'y a pas que ça hein, chez le tardigrade, c'est vraiment le super pouvoir, enfin le super héros des animaux, quoi. Il peut également survivre plusieurs années sans eau, ni nourriture, avant de revenir à la vie lorsque les conditions sont plus favorables. Donc, c'est une sorte d'hibernation, mais fois 1000, quoi. C'est quand même une réaction, peut-être. Bah, c'est quand même fou, hein. Voilà, très bien, merci. Oh, j'en ai vu des trucs fous dans Incroyable mais vrai. Attendez, c'est pas terminé, hein. Oh. En 2007. Les tardigrades furent envoyés dans l'espace à bord de la capsule Photon M3, afin de tester bah, du coup leur résistance justement au vide spatial, donc la condition extrême de chez extrême quand même, et aux radiations aussi cosmiques évidemment. Et plus de 68% des spécimens ont résisté à ces conditions pendant 10 jours. Ouais, j'aurais dit 69. Hein. Non. Avant de restaurer leur ADN une fois de retour sur Terre. Putain, c'est fou. Vous vous rendez compte? Donc ils ont été foutus dans l'espace. Ils sont mis en cryptobiose. Là, je pense que c'est une remise en question pour beaucoup de nos auditeurs aussi, quoi, qui arrivent pas à faire ça. Des gens qui se plaignent. Je me rends compte de l'aspect un peu trop pointu de cette chronique. J'en ai conscience. Mais je continue tout de même. Il me reste 2-3 paragraphes. 3 heures. Voilà. Le tardigrade est en fait extraordinaire. Que certains lui prêtent une origine extraterrestre. Ah, ouais, ouais. Ses facultés lui auraient par exemple permis d'arriver sur d'autres planètes, agripper à une météorite et de survivre au voyage. Ah, bah, carrément, c'est clair. Mais vous imaginez, ça serait fou. Bah, c'est peut-être ça en vrai. Mais comme Bill du Big Deal, quoi. Comme Bill Gates. Bill Gates. Aussi, je. Je commence à avoir des yeux bovins en face non, mais de Bill moi. Bill du Big Deal, le problème, c'est qu'il est arrivé de l'espace dans un plateau de télé. Ouais. Avec sa soucoupe qui s'est écrasée, sauf qu'il n'y a pas de trou dans le toit. Oui. Donc, de deux choses une, soit il est arrivé par la porte, il a glissé jusqu'à l'entrée en mode attentat du 11 septembre Pentagone. Il est arrivé par le toit, ça a perforé le toit, ils ont reconstruit après, non. Du plateau télé. Bah, si. Bah, oui, ou alors c'est pas un vrai extraterrestre. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que juste Vincent était en train de préparer son émission. Vincent Lagaffe. Vincent le dindon. Non. En cas d'absence prolongée de nourriture, ils peuvent être amenés à devenir cannibales. Cannibaux. Oui, pardon, autant pour moi. Désolé, cannibaux. Être amenés à devenir cannibaux. Du coup, on en retrouve en haut de l'Himalaya, donc à plus de 6000 mètres d'altitude. Du quoi, pardon? De l'Himalaya. Non, attends pour moi. J'ai compris l'Himalaya. Non, l'Himalaya. Jusque dans les eaux profondes, par 4000 mètres de profondeur. Dans l'Himalaya, quoi. Ouais, l'Himalaya. Je connais quelqu'un qui a 4000 mètres de profondeur. Allez-y. Bah non, j'ai mon jardin secret aussi. D'accord. J'ai bientôt fini sur les tardigrades. On est tous un petit peu en dépression avec les auditeurs là, on a vraiment envie. Bon, il y a d'autres biologistes qui prennent des notes dans notre auditoriat. Je pense même pas en plus. Mais sinon, là, c'est du Wikipédia, la plupart des autres, bon, ils ont... Les tardigrades, on n'avait pas compris le nom, ont une durée de vie active. Et de 3 morts dans le... On passe à 10 auditeurs. Et là, ça tacle un peu. Comprise entre 12 et 24 mois pour les espèces aquatiques et entre 15 et 30 mois pour les espèces terrestres. Donc, ça veut dire que 15 et 31 mois. Ouais. Ça veut dire que ça vit pas très longtemps. Mmh. Mais quand ils sont en cryptobiose, ils peuvent vivre après. Jusqu'à pas d'heure. Bah là, ils font ces bamboules-là jusqu'à pas d'heure. Bamboules jusqu'à pas d'heure. Cependant, les tardigrades sont capables d'entrer en cryptobiose, ce qui leur permet de survivre beaucoup plus longtemps, comme je le disais. Pour conclure, c'est aussi le cas des espèces enfouies depuis des millénaires dans les enfouies de la station. Enfouies de la station. Je crois qu'on est sur la meilleure chronique depuis le début de l'émission. On est vraiment sur un... On a à la fois de la passion, on a à la fois de l'humour, on a à la fois un truc qui passionnera de 7 à 77 ans. Homme, femme, beau vache, cochon, couvé. Tout le monde va se passionner. Énormément de culture, mais c'est pour changer un petit peu. Ah les tardigrades sont prisonniers donc, dans les glaces polaires. Fallait-il et, changer. Certains scientifiques donc, sont sûrs qu'ils pourraient survivre des millénaires et du coup permettre de retrouver des traces d'autres, d'autres organismes présents à proximité. Mmh. Voilà, c'était ma petite chronique. Bah, vraiment, sur les bravo Jean-Bierre, c'est vraiment bien sur les tardigrades. Oh, je suis désolé pour ça, mais c'est un truc que j'avais écrit il y a très longtemps dans le train. Moi, ce sera pas coupé. Je t'ai ressenti On fait une pause musicale. Ah ouais, là faut une bonne pause ouais. Allez. Oh la vache. Ah, je suis désolé. Tardigrade, tu es résistant. Mais pas comme Jean Moulin. Tardigrade, tu es résistant. Mais plus à l'environnement qu'aux Allemands. Tardigrade, tu es dans mon cœur. I love you forever. Tardigrade, tu es dans ta bulle. Est-ce que tu voudrais bien que je t'emmène au tardigrade, au cœur d'amour, au tardigrade si ambitieux, au tardigrade pour toujours, résistant même face à Dieu, aux aléas de l'évolution, aux grands perdants de la création, aux sentiments, aux immersions. Au tardigrade si mignon. Tardigrade, tu es résistant. Mais pas comme Jean Moulin. Tardigrade, tu es résistant. Mais plus à l'environnement qu'aux Allemands. Jean-Bierre, j'ai reçu des appels de nos auditeurs. Ah, je suis désolé. Non, moi je suis désolé parce qu'on a eu énormément d'appels de biologistes. C'est vrai ? Ils avaient le tube à essai à la main, le téléphone de l'autre et ils adoraient cette émission sur Jacques Tardigrade. Jacques Tardigrade, très bien. Ça me touche énormément. Je crois que j'en ai fait peut-être un peu trop. Non, c'était tout juste ce qu'il fallait. C'était bien ? Ouais ? Vraiment ? 20 minutes, c'est bien. Ouais. On en arrive où là, au maxi pitch ? Bah, je pense. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. La semaine dernière. J'ai l'impression qu'on va à 10 000 à l'heure. La semaine dernière. Bah, je propose qu'on fasse une pétition sur change.org. La fois dernière. Ouais, mais vous voilà, aviez la expliqué fois, le principe du maxi pitch, c'était une merveille. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Aucun problème. Il y a vraiment aucun problème. Alors, fruit de la station, c'est un méli-mélo, c'est plein de choses. Ça parle de science, ça parle de tardigrade, mais ça parle également de films. Il y a un concept, c'est un peu depuis le début. À fruit de la station, le maxi pitch, j'ai un problème. C'est-à-dire que Richie Booz en personne, va me teaser un film, va me pitcher un film en parlant du réel, en parlant des acteurs, en parlant de la date de sortie. Oh que non. On est sur du blanc là, on est sur de l'alsacien. Les deux bouteilles de. Comment c'est déjà ? C'est du Sylvaner. Ouais, les deux bouteilles de Sylvaner, oui, en témoigne. Et moi, à la fin de ce speech, à la fin de tous les détails et de toutes les questions aussi que j'ai pu poser, je dois savoir si c'est un vrai film ou si c'est un faux film. Très bien. Voilà. C'est parfaitement expliqué. Ouais, mais comme d'habitude. Est-ce que j'y vais ? Allez-y. Mais franchement, allez-y. Oui. Ok. C'est un film d'animation. Un long métrage d'animation. Ouais. Déjà, est-ce que je peux vous parler un peu du film ? Ah bah, vous faites, relation, c'est votre chronique, ce faites-en ce que vous voulez. Quand j'étais petit, j'ai vu ce film. Ouais. J'étais fan de ce film. Et d'accord. C'est le film qui m'a le plus traumatisé au monde. C'est vrai ? Pourquoi ? Il s'appelle vous allez le voir. The Plague Dogs. Oula. The Plague Dog. Plague Dogs. Okay. C'est un long métrage d'animation britannique Ok. Réalisé par Martin Rosen. Sorti au Royaume-Uni en 1982. D'accord. C'est un dessin animé, donc. Ok. Et ça raconte l'histoire de deux chiens, ouais, très copains. Très copains. L'histoire débute dans un laboratoire de scientifiques. Ouais, aussi copains que Roxy Rookie ou pas? Vous allez voir. Ok. C'est, on est sur une autre ambiance. D'accord, très bien. L'histoire débute dans un laboratoire où des scientifiques testent la résistance d'un chien le laissant dans un bassin nager jusqu'à ce qu'il se noie. D'accord. C'est la première image du film. Donc ils font nager des chiens. Un chien pour le coup. Un chien et jusqu'à ce qu'il se noie quoi. Voilà. On voit au début du film le chien est dans l'eau. Ouais. Très ouais, bien ça. Et on voit qu'il commence à couler, il tombe au fond. Oh. Mais c'est horrible. Là, il le repêche avec une canne, pas une canne à pêche, une canne. Ok. Il le remonte et ils écrivent 20 minutes. Oh là là. Oh. Enfin 2h20 minutes d'ailleurs. Un chien peut nager 2h20 minutes dans le film. C'est presque autant qu'un tardigrade hein. Donc on comprend très vite qu'on va être sur un dessin animé assez triste. Ouais, un peu triste. Un dessin animé pour adultes du coup. Car ensuite je sais pas. Moi je le voyais petit et j'adorais, mais c'était triste. Ouais, après vous étiez un enfant un petit peu torturé. Car ensuite on comprend que ça va être badant, parce qu'un soigneur va dans les cages où il y a tous les chiens, ouais. Et il ramasse les cacas avec sa pelle. Et il ramasse aussi un chien mort à cause des expériences, qui est plein de plaies. Il le ramasse avec sa pelle et il le jette dans la poubelle. Mais c'est affreux comme dessin animé, c'est pas un dessin animé pour enfants, hein, clairement pas. C'est assez dur. Oui, bah, non mais oui. Alors évidemment, comme ça tout... passait à l'époque de Noël, ça ou pas? Ouais. Ah bien. Comme dans tous les dessins animés pour enfants, les chiens parlent et dans leur sommeil, on les entend dire « Je ne peux plus me battre. Je n'en peux plus. Oh mais Richie, j'ai envie de sortir d'ici. Je n'en peux plus. » Et là, on découvre un peu nos personnages. Ok. Il y a Wolf, un labrador et Snitter, un fox terrier. D'accord. Wolf et Snitter. Ouais, un fox terrier à poil lisse, les petits fox terriers, pas Milou. Alors, d'accord, oui. Alors qu'ils sont en train de discuter, ils trouvent un moyen pour s'échapper. Mm-hmm. Et Snitter, le petit fox terrier, il a une plaie à la tête, il a une expérience au cerveau, il a un gros pansement. Ah, ok. Pas de bol. Et donc c'est un film vraiment qui a demandé énormément d'argent pour être monté. Ouais. Parce que personne voulait financer une histoire pareille quoi. Mais alors c'est quand vous dites film d'animation, c'est quoi? C'est genre un dessin animé. Pâte à modeler Chicken Run? Non, ou... dessin animé. Mais 3D ou dessin animé? Dessin animé. Dessin ouais. Animé. Voilà. Mais au sens propre du terme, au dessin sens des dessins des qui sont animés. Animés. OK. Ils vont alors s'échapper, casser okay. une grille avec leur tête. Ouais, facile comme et ils vont s'échapper quand même. Des salles d'expérience où il y a tous les autres animaux, les singes, les lapins, les rats. Ouais. Et donc, on est au moment du film qui fait vraiment peur parce que Rolf, le labrador, a peur lui aussi et sursaute à cause du cri d'un singe. Et il brise une cage en verre remplie de rats. Oh, ouais. Et les rats, ils tombent par terre et ils marchent au-dessus des bouts de verre. Ok. Donc, les chiens, après, décident de s'échapper par un conduit. Ils trouvent une sortie. Ouais, ouais. Mais l'odeur leur dit rien de bien. Ok. Leur inspire rien de bon. Et en fait, c'est le conduit d'incinération des cadavres. Oh, des autres chiens? Des autres chiens. Mais c'est du affreux coup, comme scène, film. Il y a une scène assez déchirante où Snitter, le petit fox terrier, ouais. Revoit en rêve son passé. Parce qu'en fait, ils passent la nuit dans le conduit et ils attendent le petit matin. Ok. Il revoit en rêve son passé, en particulier le moment où son maître s'est fait écraser par un camion poubelle oh non, mais c'est, en essayant mais c'est de l'écarter Dieu, de la route. Son maître a essayé de le sauver, son oh. Chien. Il a poussé le chien et son maître s'est fait écraser. Après, tous les autres gens ont dit « C'est de la faute de ce chien, vendez-le, vendez-le. » Mais le matin arrive et du coup ils se font réveiller par un cadavre d'un autre chien qui leur tombe dessus. D'accord. Et ils sentent que le four va se mettre en place, que c'est quand même un peu le crématorium du chien quoi. Ouais. Et ils arrivent à trouver. Je vous sens très captivé. Non, mais je trouve ça. En fait, je trouve ça horrible. Mais ils arrivent à trouver une sortie. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ils arrivent à trouver une sortie et se retrouvent dehors enfin. Ouais. Sous un ciel étoilé, ils se libèrent. Il fait encore nuit en fait. D'accord. Ils essaient de trouver de la nourriture. Parce que voilà, ils ont toujours plus ou moins vécu soit avec des maîtres, soit dans le laboratoire. Donc ils essayent de trouver de la nourriture, mais ils se font refouler un peu partout par les humains. Et c'est un peu réalisé comme les Disney, c'est-à-dire qu'on voit que les pieds des humains. Je vois ce que vous voulez dire. On voit jamais, on voit jamais le visage. D'animal et voilà. Et ouais. Ok. Et donc les opinions des deux chiens sont opposées parce que le gros chien qui est un mélange entre un labrador et un golden, ouais. Il a plus envie des hommes, des humains. Il se radicalise un petit peu. Voilà. Mmh. Et celui, le petit fox terrier qui a le pansement sur la tête, lui, il dit mais non, mon maître, il était gentil. Ils sont pas tous comme moi. Ça. Voilà. Ouais. Donc ils ont un petit peu des discussions comme ça qu'on a. Ok. Et c'est encore très triste, mais ils comprennent qu'il faut voler la nourriture. Ouais. Et pas attendre qu'on leur donne à manger parce que personne leur donne à manger. Oh. Et au fil des jours, nos deux amis restent dans la montagne, sans trouver de solution, et le labrador propose à son pote de l'abandonner parce qu'il a trop mal. Ouais, ok. Et donc Snitter, le petit fox terrier, s'en va, mais il trouve un endroit protégé. Snitter, c'est le fox terrier ? Il trouve un endroit protégé. Ouais. Et une petite grotte, et il va chercher son ami le labrador. Il lui dit, viens, mais en fait, c'est bon. C'est cool, bien. Là, viens, on peut se donc poser. Donc, ils habitent dans cette grotte, et tout d'un coup, ils rencontrent un renard. Et ils se font... ils se font pote avec lui. Non, parce qu'en fait, on est sur de la rivalisation, là. C'est sur un film, vraiment, qui est trop, trop beau. Ouais, ouais. Et ils se font pote avec lui. Le renard, il va leur apprendre un peu des combines, comment apprendre à chasser, comment se débrouiller un peu dans la nature. D'accord. Et en fait, le temps passe, et le laboratoire signale aux autorités la disparition de ces deux chiens. Ça passe même aux infos. Ah ouais, carrément. Et pourquoi ça passe aux infos ? Parce qu'en fait, il y a un doute sur la santé des chiens. Ah. Et les scientifiques pensent qu'ils peuvent être dangereux car ils ont sûrement contaminé par la peste. Ah, c'était des expériences sur la peste. Plague dogs. Plague, ça veut dire peste en fait. On m'avait pas demandé. D'accord. Ah oui, non, je savais pas. Parce que quand ils ont cassé la cage des rats en verre, oh. C'est des rats qui avaient des expériences sur la peste. Oh là là. Ah ouais, et d'accord, donc, ok. Donc petit à petit, ils sont accusés de tuer les moutons, d'attaquer les hommes, de se faire traquer par des... Enfin, de... voilà, ils sont accusés de plein de choses. Mais en fait, ils sont juste en train d'essayer de trouver à manger, de machin. Donc ils sont petit à petit traqués par les militaires et vont réussir. Ils sont presque prêts à être attrapés par les militaires, ouais. Des hélicoptères et tout. Ok. Et là, ils arrivent à s'enfuir dans un train. Et donc là, l'hélicoptère, il les retrouve. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez, Jean-Pierre, je vais vraiment vexer. Pardon, excusez-moi. Allez-y, reprends. Désolé. Ils courent de toute leur force et arrivent donc au bord de la mer. Ok. Et là, ils sont toujours poursuivis par l'hélicoptère à bout de souffle. Et il y a les militaires qui arrivent, donc ils vont dans l'eau. Et le petit chien qui avait le pansement sur la tête, lui, il hallucine un peu. Et il dit, il y a une île là-bas. Il y a une île, on y va. Et l'autre chien, lui qui comprend, il lui dit oui, oui. Il y a une île. Oh, mais c'est... Alors qu'il sait qu'il n'y en a pas. Et du coup, ça rappelle le premier plan du film. Le premier plan où il nage, 2h20. Et il se noie. Et le dernier plan du film, ça nous montre les chiens en train de se noyer en disparaissant dans la brume. Vrai ou faux, Jean-Bien ? Ah, c'est horrible. The Plague Dogs. C'est horrible. C'est vraiment affreux. Et je vous racontais que quand j'étais petit, ça me traumatisait. Mais dis que c'est qui avait fait ce film-là, là, le détraqué ? Martin Rosen, que je regarde. Oh la vache. Mmh. Ouais, oh là ça. Là, mais c'est... Il y a rien de joyeux, il y a rien de... Tout est sombre. Ouais, c'est assez sombre. Je pense que c'est un faux film. Vous pensez que c'est un faux film, Jean-Bierre ? Ouais. C'est un vrai film. Ah, ouais. Bravo, Richie, bravo. Oh là là, enfin. Oh là là, je pensais vraiment que c'était un faux film parce que je me suis dit, un truc aussi sombre que ça, personne ne veut vouloir le produire, personne ne veut vouloir le diffuser. Mais regardez-le, mais c'est une horreur. Mais non, mais c'est insupportable. C'est hors de question que je regarde alors, ça, quoi. Là, vous avez l'histoire que je vous raconte. Oh. Mais imagine la réale, les dessins oh là là. Sont aussi badants que l'histoire. Oh, mais ça a l'air terrible. Monstrueux, c'est quoi. Terrible. Par contre, encore une fois, vous regardez ce film-là et vous avez envie de vous battre contre les laboratoires qui font des expériences. Oui. Je vous en ai pas parlé, mais pendant toute l'histoire, donc je vous ai dit, ils passent à travers des salles où il y a des singes, des rats. Ouais. Pendant toute l'histoire, quand ils sont en bas, il y a des inserts. Oh là où là. On voit un singe qui a les mains prises dans la tête et qui hurle. Qui est encore dans le laboratoire. Il y a régulièrement, pendant le film, ces images-là. Enfin, c'est un dessin mais c'est, animé. Mais quoi. C'est monstrueux. Enfin, après, je trouve ça très bien, encore une fois, qu'on parle de ce genre de choses. Ah, mais c'est, mais c'est costaud, quoi. Ouais, c'est costaud. Après, s'il faut ce genre d'image pour faire réfléchir un peu les gens sur le sujet, et ça évite à L214 de tourner des images dans des abattoirs. Bah, hein, regardez The Plague Dogs et c'est très, oh très là beau. Là. Et... Pff, mon Dieu, putain. Mais c'est à pleurer. Et en fait, il n'y a aucune touche d'espoir. Mais en fait, c'est ça. C'est le deuxième truc qui m'a fait dire que c'était un faux film. C'était pas juste pour vous faire plaisir. C'était que. Y avait... C'était que oui, voilà, il n'y avait aucune touche d'espoir. Normalement, dans des films, il y a toujours du up, du down. Voilà, c'est ah, c'est cool, c'est pas cool, et ça revient, ou l'inverse. Et là, juste tout est dark, quoi. Enfin, c'est vraiment l'horreur. Pour l'horreur. Dire pourquoi je conseille ce film à tout le monde, c'est que c'est un film sur Rotten Tomatoes qui a 91% d'avis positifs. C'est-à-dire que c'est un film qui est apprécié, qui a des qualités d'animation. Très bon site de Rotten Tomatoes d'ailleurs, pour, voilà. En termes de critique de film, je trouve. En revanche, donc il y avait le critique Olivier Père, je sais pas si vous connaissez. Non. Je travaille à Arte Cinéma maintenant. Je connais très peu de critiques, ça m'intéresse. Un peu ces cercles. Ouais, bah oui, bah vous, après vous êtes de et la donc, haute. Il a écrit sur ce film. En fait, c'est un film qui est sorti donc en 82 en Angleterre et qui a été que doublé en France en 2004. D'accord, donc, ok. Donc c'est là où j'ai un peu menti, c'est que c'était pas un film de mon enfance. Le film existait, ouais. Mais. Ah, mais donc quand j'ai dit faux. Bravo Jean-Louis. Ouais. Et donc il a raconté The Plague Dogs est un film déchirant, très sombre et d'une infinie tristesse. La fin du film est très lacrymale et même traumatisante pour des jeunes enfants. C'est quand même un film d'animation quoi. Bah ouais, non mais ouais. Et c'est terrible. Et après, moi je trouve ça aussi très bien. Autre chose que je trouve très bien, c'est que c'est bien aussi de faire des dessins animés, des films d'animation, etc., qui soient pas juste pour les enfants. Enfin, ah oui. Moi je suis maintenant, on est des adultes et pourtant on apprécie énormément de. On a déjà fait un moment. Ouais, on sait hein, comment c'est. Et on, voilà, on a déjà utilisé des claques-doigts et tout. Hein. Et bah, ouais, ouais, ouais. Et, bah, et pourtant, j'adore encore une fois voir des films sérieux et pas forcément enfantins. Après, il y a des films enfantins qui peuvent aussi toucher les adultes. Énormément de Pixar le font. Oui, bien mais sûr. Juste des films voilà, dédiés là, aux adultes pour cette façon. Parce que là, clairement, c'est quand même pas trop dédié à des enfants. Enfin, moi, si un jour j'ai des gosses, bah, ou même un octodon, que... encore une fois, je l'emmènerai pas voir en fait, ça. En fait, si vous voulez, c'est pour moi, je l'ai vu et je me suis dit. Donc, je l'ai pas vu avant de faire l'émission. D'accord. Je l'avais vu il y a une dizaine d'années. D'accord. Et je me suis dit, c'est le Requiem for a Dream des animaux en laboratoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu ça, oui. À jamais on est marqué. Jamais... À moi, Requiem, ça m'a un peu donné envie de prendre du crack. Ça vous a excité la ouais. Fin un petit peu QAQ. Ah bah QAQ, déjà, ça c'était cool. Et puis même de se faire une petite, voilà, une petite injection. Quoi. Allez. En tout cas, voilà. Vraiment bien. Franchement, original. Mais encore une fois, ouais, je pensais vraiment que c'était un faux film. C'est un vrai. J'irais juste vérifier quand même. Bah écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'on fait une pause? Est-ce oh qu'on ouais, enchaîne? Moi je suis un peu chaud pour okay. Une petite pause, une pause inette quoi. Allez, la bisous. Inette, bisous. Descend, ouf, ouais. Ouf. Plague Dog, j'espère que vous avez eu le temps d'aller oh là le télécharger là, mon Dieu. Ou l'acheter hein, sur Amazon. Oui, ah oui, bah autrement, ouais, on vient de regarder, il est en entier sur YouTube. Là. Ah oui, mais oh, en anglais sous-titré espagnol. Ouais, après, je pense qu'il y a moyen de trouver peut-être des meilleures versions. Et puis la qualité dans ce qu'on a observé là n'était pas terrible, terrible. Mm. Mais voilà, on est sur de la vraie joie de vivre. On est sur de la joie de vivre, mais on est quand même sur un dessin assez exigeant, par contre, assez beau. Alors là, je ne contredirai pas Richie là-dessus, le dessin est très très beau, c'est vrai. Et puis bon, bah maintenant je vous ai raconté l'histoire entière, donc pas de surprise sur la dépression. Vous pouvez non. Y aller solide, vous pouvez manger une banane, du potassium. Ouais, voilà, des pâtes de fruits, n'hésitez pas. Hein. Pâtes de fruits de l'air. Allez, on a un jeu, vous me posez des questions là? Non, mais non, oh. j'en ai pas pour cette émission. Ah moi, si j'ai... Si, si. Si bah allez-y, on est. Alors du coup, on va partir sur l'animal du jour. Normalement, je fais la personne du jour. Vous savez que je vous surnomme l'animal, vous, des fois. Non, les d'animal. C'était quoi déjà cette chanson? Je sais pas. Je suis plus moi non plus. L'animal du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, j'ai choisi un animal. C'est l'animal du jour. Oui. Vous allez devoir deviner ce que c'est comme animal. Oui. Et pourquoi je l'ai choisi. Oui. Allez-y. Est-ce que c'est un mammifère? Ah, vous savez bien que je suis pas très bon avec ça. Est-ce qu'il pond des œufs? Oui. Donc c'est un ovipare. Oui. Est-ce que c'est un oiseau? Oui. Est-ce qu'il vole? Non. C'est une autruche? Non. Oula, vous avez l'air un surpris. Un quoi? Un émeu. Un émeu? Oui. C'est quoi un émeu? Bon, un émeu, bah, ah si, ce qu'il y a dans les restaurants asiatiques, un émeu au poulet, un émeu au porc. C'est bien ça. Merci. Bravo, vous êtes augmenté. un élan? Non plus. Attendez. Bah, des oiseaux qui volent pas, il y en a quand même pas masse. Hein. Bah, à part l'autruche, l'émeu. Ouais. La poule. Voilà. C'est pas un oiseau, hein. C'est un gallinacé. Bon, c'est pareil. Attendez, c'est un bec, ça a des on pattes, ça a des ailes. On annule la chronique. Hein. D'accord, c'est une poule. C'est un bec, ça. C'est une poule. C'est... Alors attendez, expliquez-moi la différence entre un oiseau et un gallinacé. Le gallinacé est de type gallicignacus, alors que l'oiseau est de type osoadocus. C'est très bien de ressortir vos verbes irréguliers de latin, mais ça m'explique pas la différence réelle entre les deux espèces. C'est une poule. Oui. Est-ce qu'elle est vivante? Oui, elle est vivante. C'est une poule célèbre? C'est une poule qui est maintenant célèbre. Alors célèbre, pas au niveau international, mais en tout cas en France, elle est célèbre. Parce qu'elle a fait quelque chose de particulier? Oui. Elle a pondu le plus d'œufs du monde? Non, elle a fait quelque chose de particulier, mais aussi parce que son maître avait fait quelque chose de particulier. Ah, son maître l'a violée? Non. Mais c'est pas particulier, ça. C'est pas particulier, tout le monde le fait. Bah, ceux qui ont des poules, quoi. Voilà, exactement. Bah, après, ça se loue, ça s'achète, ça se monnaie, hein, mais... Lisa. Oh, yes. Non, mais ouais, donc continuez. Cette poule a participé à une aventure, on va dire. Ah oui, d'accord, je vois. Voilà. C'est bon, je sais. On peut y aller. C'est vrai? Oui. Non. Si. Allez-y, c'est la poule qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Oh, pardon. Je voulais pas vous vexer, non. Bah non, désolé. Il y a une poule qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux? Celle qui joue Gandalf. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bien, là? J'essaie de jouer, j'essaie de participer. J'ai trouvé les choses. Et on me rit au nez à chaque proposition. Ricaner dessus. Non, non, bah non, c'est pas ça. Alors désolé de vous décevoir, mais c'est pas elle en tout cas. Alors donnez-moi un indice. Donc son, on va dire que son maître l'a emmené avec lui. Il a fait le tour du monde avec elle. Pour une aventure. Pas le tour du un monde. Voyage. Il a fait un voyage en effet. Donc pas un tour du monde, mais hein, il a été en altitude. Voilà, il... Non, c'était un voyage sous-marin. Sur l'eau. Ouais. Sur l'eau. Il a fait le tour du monde à la voile. Et bah c'était pas un tour du monde, mais bon voilà, on va il dire. Il a fait le tour du monde avec une femme voilée. Non. Non. Avec une roue voilée. À Aubervilliers. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette poule, comment elle s'appelle d'après vous? Myriam. Ah, pas loin. Monique. Mimi. Monique. Monique la poule. Et Monique la poule, en fait, elle a été embarquée sur un voilier. Donc il s'appelait Mohamed. Pourquoi? Son maître. Non, pourquoi? Ah, bah, Monique la poule, je croyais que c'était par rapport à leur relation intime. Ah non, non, non. Non. Non. Il s'appelle Guirec. Giral. Guirec. C'est un jeune breton. Ouais, bah oui, Guirec. De 26 ans environ. Ça sent pas trop la Hongrie. Oui, hein. Non, ça sent plutôt le bon Finistère. C'est un terroir. Hein. Non, je crois que c'est Côte d'Armor d'ailleurs. Oui, je crois qu'il vient de Bréa. Pour être exact. Archipel de Bréa. Magnifique. Bref. Et en fait, Guirec, il a décidé de partir faire un hivernage. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un hivernage? Oui. C'est quoi? C'est qu'on hiverne. Et qu'on nage en même temps, c'est-à-dire qu'on dort, on nage, on fait de la nage en nageant, un petit peu comme les chiens de Plex Dog. Un hivernage, c'est en fait quand on va dans un endroit où il y a énormément de glaciers et qu'on y va à l'automne, admettons, et qu'on laisse le bateau, parce que c'est en bateau qu'ils sont partis, Monique et lui, en fait, et qu'on se laisse emprisonner par les glaces, en fait. D'accord. C'est-à-dire que les glaces vont venir tout autour du bateau et c'est impossible ensuite de naviguer. D'accord. Et donc Guirec, il a décidé de faire ça. Parce qu'il avait ce rêve-là depuis très longtemps. En somme, on est bloqué pendant toute la saison froide et on doit attendre que ça dégèle pour repartir. Exactement. D'accord. En fait, Guirec, ce qu'il voulait faire, c'était faire un hivernage au Groenland pendant 6-8 mois. Donc, parce qu'il ne savait pas trop combien de temps comment la poule allait supporter ses assauts. Quoi. Ses assauts. Taquin. L'assaut final, la phase. Oui. Et il n'y avait pas Ragasonic aussi? Non. Je sais pas. Non, ok, peut-être pas. Non, non, vous avez raison. Et donc, cette poule est morte de froid. Mais non, alors pas du tout. Parce qu'en fait, Guirec, il l'a emmené. Donc, ils sont partis de Bretagne. Ils ont été, je crois, donc ils ont traversé l'Atlantique. Je crois qu'ils sont allés jusqu'aux États-Unis, Canada. Ils sont remontés jusqu'au Groenland. Ah ouais. Là, ils se sont fait emprisonner dans les glaces pendant 8 mois. Pas dégueu. Sans moyen de communication, sans rien. Et surtout en totale autonomie. Pas dégueu. Pas dégueu. Bah, ils mangeaient les œufs de l'ape. Voilà, et bah exactement. En fait, Monique, elle a pondu des œufs, donc c'est aussi pour ça qu'il l'avait emmenée. Elle a pondu des œufs tous les jours pendant cette période-là. Et ils avaient pour se nourrir, bah, en gros, les graines, évidemment, pour Monique, et puis un petit stock de riz, quoi. Ah oui. Et les œufs de Monique, et autrement, ils se nourrissaient bah, de pêche et voilà, un petit peu de chasse. De chasse, ça devait quand même pas être foufou. Hein. Bah, je sais pas. Des petits rongeurs. Bah, non, sur les glaciers, il y a peut-être des pingouins, des manchots, des ours, quoi. Ah, ils tuaient des ours blancs. Non, je pense qu'ils tuaient des ours blancs. Le gars. Ouais, c'est un mec à la cool. Alors, j'ai buté entre 300 et 400. Mais qu'est-ce qu'on a bouffé? Oh, c'était bon. Oh, j'en jetais les trois quarts. J'en jetais les trois quarts. Même Monique n'en voulait plus, elle était à la gueule, on était. À la gueule, quoi. Ah, ça tirait un peu la gueule, mais bon, ça allait quoi. Par contre, on avait des tapis magnifiques. Quoi. Putain, mais quand Monique a fait tomber son œuf, elle a tout salopé le tapis. J'étais vert. Bah, c'est pas grave, il y en avait plein d'autres. C'est ça. Manquise, des petites bon, j'en jette une, j'en remets une, mais c'est pour le principe quoi. Et puis même, après, du coup, on prenait des oursons pour les gants de toilette, les chaussons, bah tout, on faisait que mais ça. Mais pas des oursons. Des ours. Et bien. Alors, du coup, voilà, ils ont fait ça, ils se sont laissés emprisonner comme ça, et pendant 8 mois, ils ont passé ce moment-là, Guirec et sa poule Monique. Ah, sacré Guirec. C'est quand même fou, hein. Ils sont mariés depuis, je crois. Et depuis, ils sont ensemble, ouais, ils sont mariés à la mairie de Montpellier, qui est la seule mairie qui accepte. C'était sur la route. Voilà, c'est sur la route, donc ils ont fait ça. Et ils sont surtout repartis vers d'autres aventures maintenant. Et Guirec, de temps en temps, prend également à bord un chien, parce que bah, des fois, une poule, on se lasse. Il mange les œufs du chien. Il mange les œufs. Pourquoi pas, hein. Très très bonne émission animalière qu'on a là. Ouais, je vais faire le truc sur Jacques Tartigrade, mais après, ah chacun, bah non, après et chacun ses goûts, hein. Désolé. Donc voilà, c'était l'histoire de la plus célèbre poule du monde, je pense. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, celle-là en France est très très connue. Il y a la poule fêtant. Il y a la poule aux œufs d'or. Il y a la poule au pot. Il y a la poule et... poule... et les 40 voleurs. Vous avez terminé, vous croquez le doigt comme un coquin. Mais parce que je sais, voilà. C'est, en fait, c'était ma chronique du coup sur bah, la elle est bien. Du jour. Ah, bah, merci. Hein, j'ai préféré ça que les tardigrades. Hein. Ouais, non, mais les tardigrades, encore une fois, je pense qu'elle a été plébiscitée. En plus, ça débute l'émission, les gens, peut-être plus personne n'écoute à ce moment-là. Ah, bah là, je pense qu'on est tranquille. Hein. Bon, on peut y moi, aller. J'avais un petit peu fait ça pour moi, ça, j'ai un petit test pour vous si vous voulez. C'est vrai quoi, un test quoi? Un test psychologique, vous vous rappelez, j'en avais fait un une fois. Ouais, d'accord. Allez-y. Et là, j'ai envie de déterminer votre animal totem. Ah, comme dans Fight Club. Musique de test. C'est vrai que parce que Lino, on l'entend plus trop là depuis quelques temps. Il travaille beaucoup. Ouais, c'est vrai. Question, hein. Allez-y. Comment aimeriez-vous vivre, petit A? Une vie longue, paisible, simplement rythmée au rythme des clapotis de l'eau sur votre corps. Ouais. Petit B, courte et intense, à la Grégory Lemarchal. Petit C, moyenne mais sympa, avec juste ce qu'il faut d'espoir pour tenir jusqu'au bout sans s'achever. Ah mais la pire, c'est vraiment moyenne et sympa, quoi. C'est de nom, quoi. Bah, dites-moi. Oh, bah non, je préfère la première, hein. Longue et paisible, tranquille, hein, à la cool. Longue et paisible, simplement au rythme des clipotis de l'eau. Des clipotis, ouais. Clipotis. Petit clipotis, clipota, quoi. Clipotis. Question B, j'ai noté la réponse, je commence à faire mes calculs. Très bien, allez-y. Question B, si vous aviez un pouvoir. Oui. Petit A, voler, pour pouvoir chier sur qui vous voulez. Ouais. Petit B, respirer sous l'eau, pour pouvoir respirer sous l'eau. Ouais. Pas mal. C'est courir à la vitesse de l'éclair au café. Courir à l'éclair de la vitesse au café, ok. Non, bah, non sans trop de surprise, ça serait voler, hein, je pense, comme beaucoup de gens. D'accord, j'aimerais bien. Ouais. Question 3. Pour pouvoir chier sur n'importe qui. Sur depuis combien de temps n'avez-vous pas fait l'amour? Petit A, 1 an. Ouais. Petit B, 10 ans. D'accord. Petit C, vous n'avez jamais sorti votre petit boudoir de sa boîte et d'ailleurs il commence un petit peu à moisir sur les côtés. Une odeur de noisette importante s'en dégage, de plus de rougeur et des démangeaisons interrompent. Puis vous empêche de dormir. Alors si mes souvenirs sont bons, dans l'autre quiz, j'avais le droit à une autre réponse. Non, non, pas dans celui-là. D'accord, pas dans celui-là. 1 an, 10 ans où vous n'avez jamais sorti votre petit boudoir. Ça sera la C. Vous n'avez jamais sorti le petit boudoir, je le savais. Question 4. Ouais. Malgré cela. Oula, malgré. L'art de et Nora malgré. Très bon. La petite fille de Morlaix, hein. petite bretonne. C'est vrai, elle est bretonne, elle. Malgré. Excusez-moi, permettez-moi une parenthèse, mais j'ai l'impression que dans le PAF, l'ethnie bretonne n'est vraiment représentée que par des blaireaux. Je me trompe ou pas? Eh bien, qui d'autre on a Je sais pas, il y en a plus un. Vous pensez à qui? Yvan Le Bolloc. Bon, ça va, Yvan Le Bolloc. Ouais, depuis qu'il fait de la guitare, ouais. Stylé, hein. Ça va. La Fesse. Ah bah, stylé, Jean-Yves La Fesse, Pontivy, hein, en plus. Ouais, c'est vrai, bon, Jean-Marie Le Pen. Bah, stylé. Ouais, ok. Bah, Jean-Yves Le Drian. Vous dites n'importe quoi, quoi. Ouais, en fait, c'est vrai. Il y a que des mecs stylés, en fait. Benoît Hamon. Question 4. Ouais. Malgré cela, donc le fait que vous n'ayez jamais sorti votre. Non. Ouais. Lors non, redites-le votre... en entier parce que je vais oublier autrement. Moi, je peux. Oui, allez-y. C'est une vous n'avez jamais sorti votre petit boudoir de sa boîte en métal et d'ailleurs, il commence un petit peu à moisir sur les côtés. Une odeur de noisette importante s'en dégage. De plus, des rougeurs et des démangeaisons ininterrompues vous empêchent de dormir. Très bien, parfait. Ouais. Malgré cela, ouais. Votre prochaine tentative de séduction se concrétisera avec votre parade amoureuse qui, petit A, sera élégante. Vous vous parez de vos plus beaux atouts et entamez une danse sexy. Ouais. Petit B, humoristique. Une bonne blague comme le doigt qui pue et le coussin péteur. Et c'est dans la boîte. Je suis un gros fan de la pâte à prout. On encule sa cousine. Petit C, violent. Vous vous attaquez au mâle dominant dans le but de lui piquer sa poule. Non, je suis un mec plutôt drôle, moi, donc je vais dire la C. Très bien. Donc, un peu violent. Ouais, et enfin, petit C, question ouverte. Ah. Décrivez-moi un rêve récurrent que vous faites dans lequel apparaît un animal et votre mère. On vous écoute, Jean-Bien. Alors ça... Pardon ? On vous écoute, Jean-Bien. Je dois vous décrire juste l'animal ou juste le rêve ? Le rêve. D'accord. Alors ouais, ça c'est un qui arrive assez régulièrement. Mm-hmm. Je suis en Afrique, enfin je pense que c'est l'Afrique parce que c'est une savane. Mmh. Donc Papy Pardon ? Papy Brossard, exactement, les gâteaux savane. Je suis là, je suis au milieu de la savane, je suis un petit peu perdu. J'ai des rollers aux pieds, je sais pas pourquoi. Mmh. J'ai des rollers aux pieds, mais juste des rollers aux pieds, j'ai que ça. Vous êtes nu avec des rollers aux pieds ? Je suis nu avec des rollers aux pieds. Ah si, alors attention, sécurité avant tout, j'ai quand même les protège-poignets. C'est important. Voilà, donc je suis perdu au milieu de rien comme ça. Et tout d'un coup, j'entends un barrissement. Un barrissement. Voilà. Donc là, évidemment, ma mère arrive. Noël ? Non. Votre mère, vraiment, votre voilà, mère. Exactement. Et donc là, elle aussi en roller. Mais habillée, évidemment. Dommage. Ouais. Oui. Et donc là, on commence à faire du roller dans la savane. On s'arrête pas, on s'arrête pas. Main dans la main pas. Ou en indépendant ? Non, en indépendant. On va dans la même direction, mais en indépendant quand d'accord. même. Et là, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, un trampoline géant. Mais quand je vous dis géant, c'est géant. Ouais. On parlait des records des fois du monde. Voilà. On est sur un trampoline qui fait la tête d'un terrain de foot, quoi. Exactement, un petit peu, voilà. Et là, on se met à sauter. Alors attendez, apartheid, vous sautez sur le trampoline. Oui, d'accord. Mais on saute tous c'est les deux. C'est important pour les auditeurs. Je comprends bien. On saute tous les deux sur le trampoline. On saute. Et là, bim, on décolle. D'accord. Moment, on décolle. Oui, vous avez une question ? Non, mais je commence un petit peu à avoir mes réponses. D'accord, c'est pour sur que le votre test soit le plus complet possible. Oui, mais là, je commence un petit peu à saisir le pour et le contre. On décolle, et là, bim, et on commence malheureusement à retomber. Et là, qu'est-ce qui arrive ? Deux vautours qui nous prennent chacun. Ouh, d'accord, le vautour, symbole de chiasse. De la charogne. Sur la chiasse. Voilà. Et donc là, deux vautours, ils partent. Les deux vautours, ils partent, ils décollent. On est là un petit peu en panique, ma mère et moi, nos rollers au pied, moi, j'habite au vent. Et ils nous emmènent dans leur nid. Et voilà, c'est là que le rêve s'arrête. Très bien, écoutez, j'ai tout ce qu'il me faut. Très bien, j'espère en tout cas. Alors, que je fasse mes 2-3 calculs, musique de calcul, Pasqualino. Vous êtes un Phasianus Colchinicus. Ah, c'est quoi ? Un faisan. Ah, mais c'est un très bel animal, hein, croyez-moi. Le faisan ? Oui, vous allez voir. Allez-y, décrivez-moi tout ça. C'est un oiseau gentil, ouais. Omnivore. Il dispose de jolies plumes, pour l'instant comme vous. Ouais. Est très proche de ses amis et de sa famille. Alors ça c'est vrai. Le faisan est un être doux qui aimerait plus de relations intimes. Ok. On est sur quelque chose aussi qui vous parle peut-être. Ouais, bon, je n'ai pas envie de m'étaler là, mais... Comme vous le savez, les parties génitales du faisan prennent la poussière. Genre tel un plumeau ? Dans les rares cas où vous arrivez à conclure, alors je parle de vous et à la fois du faisan. Oui, non, j'ai bien compris. Après le coït, vous délaissez la femelle. Si Jean-Bien, c'est pas joli. Mais c'est impossible parce que vous avez vu à quoi j'ai répondu pour le boudoir et tout ça là. Vous n'avez jamais fait l'amour. Ouais. Et vous savez pourquoi je sais que vous délaisseriez la femelle. Ah, délaisseriez. Ouais, pourquoi ? Parce que vous êtes puceau. Mais alors ? C'est bien la preuve que vous délaissez les femelles. C'est vraiment un test très pointu qu'on a là. Mais écoutez, moi je débute un petit peu dans la... Ouais, je comprends. Dans la biologie. Mais la dans prochaine fois, tirer les cartes, jeter des osselets, j'en sais rien, mais... Vous savez ce que j'ai tiré la dernière fois ? Oh non... Les cartes. Ah ? Sur le cul de votre mère nue. Et une bougie. Est-ce que vous avez appris un peu plus sur vous ? Ouais, bah carrément, ouais. L'autre fois, c'était déjà bien, c'était hyper complet. Mmh. C'était peu vraiment... à peu, vous commencez à... Et là, du coup, je commence circonscrire à circonscrire vraiment... votre personnalité. Exactement, ouais, circonscrire ma personnalité. Quel est votre animal préféré ? Le blaireau. Voilà, c'était une question un petit peu liée à un truc rapide qui vous identifie. Et votre vrai animal totem, c'est le blaireau. Voilà, tout ce test était fait pour ça. Merci Jean-Bien, je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Félicitations. Je n'ai fait que vous déconcentrer pour vous poser une question que vous n'attendiez pas. Merci Jean-Bien, le blaireau, mais merci 100 fois, quoi. C'est formidable. Non, mais après, je suis sincère avec vous, important. Je suis sincère avec les auditeurs. Moi, c'est. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Ah, j'ai chaud, j'ai extrêmement chaud. Vous connaissez Zarafa la girafe ? Non, c'est quoi ? C'est une girafe qui a été offerte par le roi d'Égypte à Charles X. Ok, donc elle a été offerte par le roi d'Égypte à Charles X, ouais. Ok, et qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un truc en particulier, cette girafe ? Bah, c'est-à-dire que c'est quand même incroyable, puisqu'elle a été déposée à Marseille. Ouais. Donc là, on est un roi qui était dans le début, première moitié du 19e siècle. Oula, ah oui, elle doit avoir mauvaise mine. 1830, 1840, tout ça. Ça vit combien de temps une girafe? Ça vit longtemps. Ah ouais, mais aussi longtemps que... Que le roi? Non, que de 1830 à maintenant. Ah oui, non, parce qu'en fait, elle a vécu pendant 18 ans en France. Et en fait, de Marseille, elle est venue à pied jusqu'à Paris. N'importe quoi. Mais si. Mais non, mais elle a mais si, Jean-Bierre, croyez-moi. Toute seule. Et là, elle est arrivée jusqu'à la ménagerie du Jardin des Plantes. Jusqu'à la quoi? Ménagerie du Jardin des Plantes. Elle a fait la route toute seule? Non, elle a été accompagnée. Il y avait plein de gens autour. Et c'était vraiment chouette comme moment, quoi. Ok, enfin, d'accord. J'aurais trop aimé y être. Mais ils ont fait. Ça a pris combien de jours, en fait, le fait qu'elle vienne comme ça à pied? Ça a pris trop longtemps, quoi. Mais genre combien, quoi? Elle est arrivée à Marseille le 14 novembre 1828. Vous êtes en train d'écrire des trucs en même temps? Vous écrivez cette chronique en même temps, non? Et elle a été conduite à Paris à partir du 20 mai 1827. D'accord. Elle était accompagnée de plein de gens. Il y avait trois vaches qui buvaient du lait. Ouais, qui buvaient du lait. Elle faisait que boire du lait. Une escorte de gendarmes à cheval et un chariot à bagages. Elle est arrivée le 30 juin. Donc, alors, attendez, un petit calcul. Ouais. Elle est partie le 20 mai. Elle est arrivée le 30 juin. Bah, ça fait pas beaucoup. Bah, Marseille-Paris à pied, quand même. C'est pas si loin que ça. Ça fait quoi, 2 mois et 10 jours? C'est pas énorme. Vous savez même pas compter, Jean-Bierre. Ah oui, non, 20 mai. Oula, non, ça fait 1 mois et 10 jours. Merci, Jean-Bierre. Ouais. C'est pas c'est une girafe, ça a des grands pieds. Ouais, enfin, il y avait des gens qui l'accompagnaient, il y avait les vaches, il y avait tout ça. Vos vaches. Moi, non, mais j'ai trouvé ça sympa de terminer avec ça, quoi. Non, mais c'est bien, vous avez raison. Ouais, c'est une histoire qui redonne un peu plus d'espoir, j'ai envie de dire. Ouais. Et je pense qu'il y a une morale derrière tout ça pour nos jeunes auditeurs. Mieux vaut avoir une bonne histoire pas terrible de girafe qu'une bonne histoire de tardigrade. Voilà, allez, merci, bonsoir. C'était Free de la station spéciale animaux. Pas sûr de la recommencer, celle-là. Bah, à l'année prochaine. Allez, bisous.